Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. C'est la chronique Prix Orange, Prix Citron avec notre ami Marc Diquet de Radio X Saguenay. Salut Marc. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Marc, Prix Orange, Prix Citron de la semaine. Écoute, je vais me répéter dans les Prix Orange, Danny, oui. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de le donner aux SAGs encore. Okay. Les SAGs, qui, au niveau marketing, sont très, très, très agressifs, ouais, ça va bien, ouais, depuis quelques temps. Et là, on a décidé de présenter un troisième chandail. Et c'était audacieux parce que les gens apprécient beaucoup le chandail, surtout le bleu. Des Saguenayens qui a déjà fait le top 50 des plus beaux chandails de hockey. Ah oui? Hockey News. Hockey News, okay. Qui a fait ça. Et dans le top 50, je pense qu'il y a 40 quelques là, des plus beaux chandails de hockey, toutes ligues confondues à travers le monde, autrement dit. Là. Okay. C'est vrai qu'il est beau, le chandail des Sags. Puis ouais. Contrairement à plusieurs autres équipes dans la Ligue de hockey Jean-Major du Québec, il est unique. Tu sais, t'as Rimouski qui ressemble à rien non plus. Celui des Sags également. Tu sais, il n'y a pas les couleurs des Flames et des Bruins comme les tics de Victoriaville et des Cobos. Ouais. Il est vraiment, vraiment unique. Donc, l'idée de faire un troisième chandail, c'est audacieux. C'est mission accomplie, honnêtement. Quand je l'ai vu, j'allais à la conférence de presse. Puis, j'ai fait « Wow, il est vraiment, vraiment beau ». C'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'aime. Là. Tu peux pas avoir un 100%. Là. Je te dirais que c'est... C'est 90-10 de ce que je vois. En tout cas, ça fait l'unanimité pas mal. Puis, tu sais, les Sags, comme j'ai dit à Marc Denis, j'ai dit, Marc, ouais. Tu sais, c'est le fun, faites le chandail. Mais il y en a qui vont dire, tu sais, il y a toujours ceux-là qui vont dire, mais il n'y a pas besoin de faire ça, c'est pour le marketing, il n'y a pas besoin de faire ça, l'autre. Puis, tu sais, il y a l'autre partie des gens qui disent, pourquoi ils n'ont pas de troisième chandail? Puis, tu sais, je sais qu'ils en ont vendu quand même pas mal. Fait que c'est pas mauvais pour l'équipe non plus, tu sais. Je veux dire, c'est un bon coup de marketing. Mm. Il est très beau. Je sais, ça leur a pris un an de travail avant de trouver le bon chandail. Exactement. Puis honnêtement, là, c'est bravo aux Sags. Bravo aux Sags avec voyons, je le connais bien comme vous. Serge Proulx. Ouais, Serge Proulx, j'ai oublié son nom. Qui fait un bon travail depuis qu'il est en poste avec les Sags, on va l'avouer. Puis en plus, ben, l'équipe gagne. Fait que dans ce temps-là, c'est merveilleux. Ouais, effectivement. Donc, bravo, évidemment. Puis j'y ai parlé cette semaine. Puis évidemment, écoute, on a travaillé depuis un an, là. Ça fait un an qu'on travaille là-dessus, là. C'est pas évident, Danny. Les modifications que tu peux faire un chandail de hockey, là, tu mets-tu trois lignes, tu mets-tu deux lignes, ta couleur du main là, okay, c'est énorme. Là, ça à un moment donné, tu risques de te perdre à travers ça. Et honnêtement, là, pour moi, c'est réussi. Ouais. Prix Citron. Ah, j'ai cherché fort. Moi aussi, j'ai cherché fort. Parce qu'honnêtement, je cherche du négatif de ce temps-ci, puis j'en vois pas tant que ça. Non, moi aussi. Mais là, je m'adresse à certains sportifs, de peu importe le sport, qui vont jouer à Fortnite, le fameux jeu, là. Oui, je l'ai entendu parler hier. Tu en as parlé à Radio Week à midi pile hier. Oui, puis j'en avais parlé avant ça. Puis, tu sais, il y a le lanceur David Price. D'ailleurs, David Price, ouais. Il a porté son premier match des séries. David Price, il a eu des problèmes parce qu'il a joué à ça. Puis lui, ça lui a causé des problèmes au poignet. C'est un lanceur. Tu peux pas avoir de problèmes au poignet quand t'es lanceur. Quand tu pognes des problèmes de poignet parce que tu joues droit à un jeu vidéo, là. C'est quelque chose. Puis là, ça a atteint le vestiaire des Canucks de Vancouver, même que Bo Horvat des Canucks a dû sortir et dire à ses joueurs, regardez, c'est la route, là, j'en veux pas un tabarouette qui joue à ça. Parce que non seulement, il y en a qui ne dorment pas de la nuit, là, tu sais, avec les mini-TV, puis tout, les iPads, puis tout, c'est pas dur, là, t'amener ton kit. Fait qu'il y en a qui jouent à ça comme des grands bobés gâtés. Puis tu sais, les joueurs de hockey en moyenne, les jeunes, c'est à quoi? C'est à 22, 21. Ouais, effectivement. Tu sais, écoute. Dans le temps de la seconde, tabarouette, les gars allaient voir les filles, ça se passait les chambres, tu sais. Master, ça joue à Fortnite. Je comprends. À ce niveau-là, je comprends plus rien. Là. Sérieusement, puis même les jeunes qui se font repêcher, se font demander, tu joues-tu à des jeux vidéo? Ah oui, lequel? Puis si tu joues à Fortnite, t'as besoin d'arrêter ça au plus tabarouette, sinon ça peut même miner tes chances d'être repêché. C'est fou raide, là. Sérieusement, là, les gars et les filles qui s'en croient ça, là... Je parlais l'année passée à Marc Fortier, quelqu'un qui était encore entraîneur adjoint des Remparts, puis j'ai demandé les téléphones intelligents, puis de la manière que tu... Comment vous jaugez ça aujourd'hui? Tu sais, ça doit être un problème, à quelque part, là. Tu sais, pour une équipe d'hockey, les téléphones intelligents. C'est drôle, tu n'avais parlé à Marc Fortier, puis je sais pas si tu as sorti cet exemple-là quand tu as parlé, mais le congédiement de l'ancien coach des Sacs. J'ai des blagues de mémoire un matin, Danny, je m'excuse. Mais le coach des Sacs qui était là avant Yannick Jean. Pat Bosch. Ouais, Pat Bosch. Ouais. Les joueurs l'ont su dans le vestiaire entre la deuxième et la troisième. Ouais, effectivement. Ils l'ont su avant lui. Ouais. Puis Marc le savait là, même pas, puis Pat Bosch le savait pas non plus. Ben là, puis là, on a blâmé Stéphane Leroux d'avoir sorti l'information que ça se faisait pas, ça se faisait ci, c'était ça. Attends un peu, là. Stéphane Leroux a fait sa job, that's it, point barre, là. Ouais, ouais. Si l'information s'est rendue jusqu'à lui, là, c'est parce qu'il y en a qui ont mal fait leur job. Heureusement, ces gens-là sont pas avec les Sacs aujourd'hui. Ben, effectivement, puis c'était autant que c'était ça. Mais le seul bon coup qu'il a fait, le gars, c'est d'avoir été chez Yannick Jean. Comment il s'appelait, lui? Il faisait le big shot, là, l'ancien gestionnaire des Saguenayens avant ce sport. Ben, est-ce que tu parles de M. Laval-Ménard? Oui, c'est ça, c'est Laval-Ménard, exactement. Non, Laval-Ménard, malheureusement, c'est un bien bon monsieur, là. Malheureusement, son bien avec les Sags n'aura pas été bien. Au moins, il a fait un bon coup, il est allé chercher Yannick Jean. Ça, faut lui donner ça quand même. Moi, mes prix orange et citron ont été durs à trouver. Plus prix citron ont été durs à trouver, mais prix orange, c'est Joël Bouchard. J'ai aimé ça, sa sortie cette semaine. Comment tu as trouvé ça, Marc? Ben, j'aimais ça aussi, Danny, mais il y a une chose. Là. Ouais. Là, Joël Bouchard, présentement, là, ouais. On est en train de le canoniser. Puis, à ce que je cherche, Joël Bouchard, puis là, j'enlève rien au gars. OK, je l'adore, Joël Bouchard. OK, je l'adore. Sauf que de m'amener, là, il va falloir qu'il y en ait qui se laquent un tour un peu, là. Joël Bouchard n'a jamais gagné la Coupe du Président, là. Non, c'est pas là, le monde en parle. Puis là, c'est rendu qu'on va ramasser un gars de 102 livres. Qui tire de la gauche puis qui patine à 2 km/h puis on va l'envoyer. Joël Bouchard va le transformer. Non, là, c'est rendu que Joël Bouchard, il prend des concombres et il en fait des radis. Là. Arrêtez-moi ça, là. Je veux dire, C'est dans ce sens que c'était pas la langue de bois puis c'était pas la cassette, là. Non. Ça c'est déclaration. C'était pas bon. Ah, mais ça, c'est ça, là. T'es encore là. T'sais, là, il remplace Sylvain Lefebvre. Ouais. Sylvain Lefebvre, il avait l'air d'un poisson rouge dans l'aquarium, là. Ouais. Fait que là, c'est. Puis, encore à ce niveau-là, il peut se faire aller à la trappe, Joël Bouchard. Mais dans la Ligue nationale de hockey, une sortie comme ça, là, fais attention. Non, c'est sûr, mais moi, j'ai aimé ça pareil. Puis, ça fait changement de ce qu'on entend. C'est sûr qu'il peut. Il pourra peut-être pas, mais Joël, c'est un gars quand même intelligent. Je suis pas sûr qu'avec les gars de la Ligue nationale, il se serait comporté de la même façon. Mais quoi, c'est un gars. C'était calculé, c'est intense. Non, ce que ça veut dire, c'est que le country club dans les mineurs, c'est terminé. Hey, ça faisait 6 ans que ça dormait, là. C'est dans ce sens-là, moi, que j'adorais ça. Mon prix citron, tu vas aimer ça aussi. Moi, j'ai mes Pats, c'est mon équipe favorite, mais j'ai une deuxième équipe qui est proche des Pats. C'est les Raiders d'Oakland. Et on est allé chercher John Gruden à gros prix au Monday Night Football. On l'a ramené sur les lignes de touche. C'était certainement un lien avec le fait que le club s'en va à Vegas. Il était en train de virer en catastrophe John Gruden avec les Raiders d'Oakland. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. As-tu vu, Danny, la page web qui a été faite? Je me souviens plus du nom, mais je pense que c'est How Long Gruden, une affaire comme ça. Là. Ouais. Fait que, tu vas là-dessus, puis ça dit il reste encore, je ne sais pas, au moins 9 ans, 128 jours, 10 heures à John Gruden avec les Raiders. Puis que là, c'est écrit le montant d'argent que John Gruden gagne pendant que tu regardes la page. Puis si tu regardes la page seulement 2-3 minutes, je pense que tu es rendu à 8 piastres et quelque chose. c'est quelque chose, là. Ouais. Ce gars-là, puis moi, honnêtement, j'étais fan de John Gruden. J'étais content que John Gruden revienne à mes mélanges. Regarde, tu sais, admettre l'histoire de Khalil Mack. Derek Carr est en train de plafonner. Les Raiders avaient un bon noyau, là, puis là, il était en train de débâtir ça. Non, puis il y a Mary Cooper qui avait des rumeurs de transactions, mais là, finalement, il est blessé, on ne sait plus. Honnêtement, c'est... Puis, tu sais, moi, j'étais un fan de Gruden, je m'ennuie de lui à TV, d'ailleurs, un peu. Mais est-ce que ça prouve que quand tu es 10-12 ans, hors de l'action, que tu es démodé? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Là. Quand ça fait 10-12 ans que tu n'es plus là, puis si tu ramènerais un gars comme Bill Cowher, ça ferait-tu la même chose? Ouais. Les gars changent, les systèmes changent. Ouais. Puis, honnêtement, c'est une catastrophe mondiale. T'as raison, là. C'est épouvantable. Ouais, c'est épouvantable. J'ai hâte de voir ce qui va se passer à Oakland avec les Raiders. C'est sûr que parce que là, c'est cette année, je pense, que le club est souhaité déménager, hein. C'est-tu sa dernière année ou c'est l'an prochain? C'était pas décidé pour la dernière année, je pense. Non, ça, je pense que c'est 2020, mais je suis pas certain. 2020, effectivement. Mais là, c'est parce que ça coûte 100 millions. 100 millions pour 10 ans. Puis ce gars-là, il y a certainement quelque part le fait qu'il était, parce qu'il était tellement bon au Monday Night Football, il s'est monté une réputation à partir de là. Plus ben que... oui, puis c'est ses écoles de quarterback, de carrière, où il analyse les carrières, il les reçoit en entrevue, puis il a donc l'air d'un génie. Là, oh, pas d'air, ça... Oh, comme c'est... tu dis, Derek Carr, il arrête de connaître ses pires moments en carrière. Ouais. L'échange de Max, c'est épouvantable. Regarde ce qu'il commence à transformer. Bon, Chicago, on va laisser faire le dernier match, là. Mais ça les a transformés quand même, là. C'est épouvantable. Si vous dites une chose, que Montréal, c'est l'enfer, là, j'ose même pas imaginer à Oakland comment John Gruden ne doit pas filer. Puis tout le monde était content, soyons honnêtes. Je l'étais un premier aussi de John Gruden, mais là, c'est en train de virer un désastre à faire. Hey, en parlant de la NFL, tes Bengals, comment tu dois être content? Ben, oui puis non, là, je te dirais que le dernier match... Ouais, c'est sûr, là, c'était pas... Mais... Surtout qu'on... Tu sais, moi, ce qui m'énerve, là, c'est la façon qu'au Québec, qu'on parle des... Tu sais, je peux comprendre des Bengals, ça intéresse pas grand monde au Québec, là, mais... Tu sais, là, c'est... Bon, encore par les Steelers, ils sont pas capables de gagner le gros match, blablabla. C'est parce qu'à Atlanta, je m'excuse, là, mais la façon dont ils ont gagné, c'était très spectaculaire. Puis revenir de 17 points, de 17 à 0 contre les Dolphins, là, fallait le faire aussi, tu sais. C'est une manière, il faut... Tu sais, oui, il y a une bête noire quelque part, là. Mais oui, je connais des Bengals, sauf que dimanche soir, contre Kansas City, hein, qui fout la défaite. Ça va être très, très dur. Défensivement, ils sont pas là cette année. C'est très dur. C'est une division extrêmement coriace. Même les Browns de Cleveland, cette année, ont atteint jusqu'à maintenant le niveau de respectabilité. Ouais, c'est intéressant. C'est pas mal une des divisions les plus fortes. Marc, un gros merci. On s'en parle pour t'écouter à Radio X cette semaine. Plaisir. Marc Diquet de Radio X, Saguenay.